Le sourire au pied de l'échelle, Henri Miller, séquence 2. Il ne tarda pas à s'assoupir. C'était un sommeil lourd et il rêva. Il retournait au cirque, en piste. Rien, absolument rien n'était changé, sauf que c'était un cirque où il ne se passait plus rien. Haute dans le ciel, au-dessus de sa tête, la lune, la vraie. Une lune qui semblait galoper à travers des nuées stationnaires. Au lieu des étages de rangées circulaires, comme d'habitude, montaient en pente doucement inclinée, mais droit vers le ciel, les murailles de Jean. Il n'y avait pas d'autre mot. Et l'on n'entendait pas un rire, pas un murmure. Elle pendait là, ces multitudes immenses et spectrales, accrochées dans l'espace infini, et pas un seul de ces fantômes qui ne fut crucifié. Paralysé de frayeur, Auguste oubliait ce qu'il était censé faire. Au bout d'un temps, intolérablement immobile d'indécision, pendant lequel il avait l'impression d'être plus cruellement trahi et abandonné que ne le fut jamais le Sauveur lui-même, il s'élançait comme un fou, cherchant à s'enfuir de la piste. Mais il avait beau courir dans tous les sens, les sorties étaient bloquées. En désespoir de cause, il se jetait sur l'échelle, commençait à grimper fiévreusement, plus haut, toujours plus haut, jusqu'à ce qu'il fût hors d'haleine. Après avoir pris le temps de souffler, il se risquait à ouvrir les yeux et à regarder autour de lui. D'abord en bas, le pied de l'échelle se perdait presque invisible au fond du gouffre où reposait le sol étal. Puis, il levait les yeux. L'enfilade des barreaux s'étirait au-dessus de lui, à l'infini, perçant les nues, crevant même la gigantesque pelote de l'azur où étaient piquées les étoiles et montait droit jusqu'à la lune. C'était une lune perchée par-delà les étoiles, une lune incalculablement lointaine, gluée comme un disque gelé à la suprême voûte. Auguste mettait à pleurer, puis à sangloter. Tel un écho, faible et d'abord contenu, mais s'enflant peu à peu comme une lamentation océane, parvenaient à ses oreilles les gémissements et les sanglots de l'innombrable multitude qui faisait mur autour de lui. « C'est horrible !» murmurait Auguste. « C'est naître et mourir du même coup, c'est le purgatoire et je suis fait prisonnier !» Sur quoi il s'évanouissait, chavirant à la renverse dans le néant. Il ne reprenait connaissance que pour s'apercevoir que la terre montait en masse à sa rencontre. Et ce serait, il le savait, la fin d'Auguste, la vraie, la fin des fins. Et alors, comme l'éclair d'un couteau, un souvenir zébrait sa mémoire. Il n'en avait même plus pour une seconde, une demi-seconde peut-être, et s'en serait fini de lui. Qu'était-ce donc qui n'avait remué dans les profondeurs de son être et jeté cette lueur d'acier que pour mieux le précéder dans l'oubli de la mort? Il pensait avec une telle rapidité que, dans l'éphémère fraction de seconde qui lui restait, il parvenait à reconstituer devant lui tout le cortège de sa vie. Mais l'instant le plus important de cette vie, le joyau autour duquel s'agglutinaient tous les événements significatifs de son passé, eh bien c'était impossible de le ressusciter. C'était la lumière, la révélation même qui sombrait avec lui. Car il le savait maintenant, il y avait eu un moment dans le temps où tout s'était éclairé pour lui. Et voilà qu'à l'article de la mort, sournoisement, on le spoliait de ce suprême don. Comme un avare, grâce à un prodigue d'astuce et d'ingéniosité, Auguste réussissait ce tour de force impossible, saisir au vol cette ultime fraction de seconde qu'on lui accordait encore et la réduire en fragments infinitésimaux de durée. Rien de l'expérience qu'il avait amassée au cours de 40 ans de vie, pas plus que toutes les brèves joies de l'existence réunies, ne supportait l'ombre d'une comparaison avec ce ravissement sensuel qu'il éprouvait tout à coup à chérir les infimes éclats de cette parcelle de seconde explosée. Mais lorsqu'il avait fini de hacher ce dernier de tous les instants en morceaux si infiniment petits que cela faisait une vaste et fine résille de durée déployée autour de lui, à son angoisse extrême, il découvrait qu'il n'avait plus le pouvoir de se souvenir. Du même coup, il avait fait en lui le vide absolu. Le lendemain, à bout d'émotion, ravagé par ce rêve, Auguste décida de ne pas sortir de sa chambre. Ce ne fut que vers le soir qu'il bougea. Il avait passé tout le jour au lit, à jouer distraitement avec les masses de souvenirs qui, pour une raison inexplicable, s'étaient abattus sur lui comme une nuée de sauterelles bibliques. Finalement, las d'être brassé, ballotté dans cet énorme bouillonnement de réminiscences, il s'habilla et sortit au hasard pour se perdre dans la foule. Et ce ne fut pas sans mal qu'il parvint à se rappeler le nom de la ville dans les rues de laquelle il flânait. À l'orée de cette ville, il tomba sur une troupe de cirque, une de ces tribus nomades de saltimbanques qui vivent sur roues. Le cœur d'Auguste se mit à battre follement. Impulsivement, il se précipita vers l'une des roulottes. Elles étaient arrêtées, rangées en cercle. D'un pas timide, il gravit les petites marches qu'on avait déployées à l'arrière du véhicule. Il allait frapper quand un hennissement de cheval tout près interrompit son geste. L'instant d'après, il sentit dans son dos le museau de l'animal. Une joie profonde envahit tout son être. Passant les bras autour du cou de la bête, il trouva des paroles douces, tendres, comme pour un ami disparu depuis longtemps. Derrière lui, la porte s'ouvrit brusquement. Une voix de femme étouffa une exclamation de surprise. Saisi, perdant presque la boussole, il bafouilla. « Ce n'est que moi, Auguste. »« Auguste ?» répéta la femme en écho. « Je ne connais pas. » « Excusez-moi, bégaya-t-il humblement, il faut que je file. » Il avait à peine fait quelques pas qu'il entendit la femme crier. « Hé, Auguste, hé, reviens! Pourquoi te sauves-tu comme ça ?» Il s'arrêta court, se retourna, hésita une ou deux secondes, puis s'épanouit tout sourire. La femme courait à lui, les bras ouverts. Auguste sentit naître un début de panique. Un bref instant, il eut envie de faire demi-tour et de fuir. Mais il était trop tard. Les bras de la femme s'étaient refermés sur lui, le serraient de toute leur force.